bien, salut tout le monde, ici Steven François et bienvenue à l'épisode 49 d'Horreur Gamer. 49, mes chers amis, est-ce que vous êtes surpris qu'on soit rendu déjà à 49? Surpris, non? Tout excité, oui. Oui, c'est le fun. Excitation. Vous avez déjà entendu mes collègues, parce que c'est moi aujourd'hui qui va animer. Malheureusement, notre cher collègue Sébastien ne pouvait pas. Non, c'est triste. Hey! Je vais essayer de faire ce que je peux pour amener sa présence. Là. T'as-tu au moins un chapeau? Non, j'ai pas de chapeau. C'est triste, hein? Puis j'aime pas... Non, j'allais dire j'aime pas la guerre des tucs. C'est pas correct. Je veux pas dire j'aime pas la guerre des tucs. Je l'ai jamais vu. Ben là, fait que... on va arrêter l'enregistrement. On va écouter la guerre des tucs, reviens. Puis reviens. Mais c'est ça, nous avons avec nous aujourd'hui Jean-François Tremblay. Comment ça va, Jean-François? Allô! Ça va très très bien. Mais et toi? Ça va très bien. Et à notre droite, la super et future propriétaire d'un café incroyable, Vicky. Hello! Comment vas-tu, Vicky? Ah, ça va bien, ça va bien. Tant mieux! Et aujourd'hui, on a un épisode spécial et très en retard, chers amis, parce qu'on était supposé faire un spécial Thanksgiving. Et on a eu plein de problèmes. Et comme vous avez pu remarquer, on a eu de la misère à être régulier dans nos épisodes. C'est rendu pas mal espacé. On n'en sort plus de manière assez régulière. Mais on a eu une grosse discussion. On est tanné. On veut que Horror Gamer revienne en force. Et on devrait avoir des épisodes de manière beaucoup plus régulière pour les mois à venir. Fait que ça devrait être plus le fun pour vous, chers auditeurs. Yes. Fait qu'aujourd'hui, comme je disais, on fait un épisode spécial sur Thanksgiving et on y va avec un premier film qui est Thanksgiving de 2009. Petit film qui semble être dans l'esprit de la trauma qui dure que un an et que j'avais en fait jamais vu, moi. Est-ce que vous l'aviez vu, ce char Thanksgiving? Je savais même pas que ça existait. Vicky? Non. Le pire, c'est qu'il y a une suite en plus, Vicky. Ouais, le pire. Je connaissais le titre de ça puis la suite. Je savais que ça sautait de suite au troisième, mais non, j'avais pas vu le film. Ça avait l'air, avec la pochette, ça a l'air d'un film de trauma. Oui, vraiment, c'est vraiment l'impression que ça donne, surtout que le tueur, c'est une dinde, fait que... Puis tu sais, j'aime le style, mais j'étais pas vraiment attiré vers ce film-là en particulier. Là. Moi non plus, mais c'est le choix de Sébastien, fait que merci Sébastien, au moins t'as rajouté ton grain de sel, on va voir si à la fin on taillit ou pas. Et pour notre... Pardon, Vicky? Sacré Sébastien, il réussit toujours à mettre son grain à quelque part. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Il nous incite à voir ça, puis il est même pas là pour le défendre. Dans le fond, il a pris la peine de l'écouter. Il a comme fait « Fuck that shit, je leur laisse cette affaire-là. Moi, je m'en viens pas. » Ouais. Et le deuxième film, on y va avec Motel Hell de Kevin Connor, qui est un des seuls films, je pense, du réalisateur que j'avais pas vu, parce que c'est entre autres celui qui a fait Night of the Demon et Witchboard, deux films que j'apprécie quand même assez bien. Et est-ce que vous étiez familier, vous autres, avec Motel Hell, ou c'est un autre film comme Thanksgiving que vous connaissiez absolument rien? Non, je connaissais juste le titre. C'était comme Thanksgiving, je connaissais juste le titre. Moi, je pensais l'avoir vu, mais je me mélangeais avec d'autres choses. Moi, je ne le connaissais pas du tout, encore une fois. Puis, c'est moi qui l'ai proposé parce qu'on cherchait justement un film de Thanksgiving. On avait parcouru des listes, puis il a popé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est pas grave. Il a popé, puis je suis bien content. Je suis bien content aussi. J'ai bien hâte d'en discuter. Je crois que ça risque d'être un épisode vraiment le fun. Et est-ce que vous aviez un petit quelque chose à rajouter, les amis, ou vous étiez prêts à enchaîner notre super épisode de Thanksgiving? Je pense qu'on est prêt. Bon, ben, allons-y sans plus tarder avec Thanksgiving. Pire imitation de Dane ever. Il va y en avoir d'autres. Je sais pas si c'était celle-là la pire. Bon, ben, on peut y aller avec le résumé. Thanksgiving, c'est un film de 2009. Donc, on l'a dit de... C'est qui déjà le nom du réalisateur? Jordan Downey. C'est Jordan Downey, t'as raison. Et c'est l'histoire, en gros, d'une dinde aux tendances meurtrières qui décide de s'en prendre à une gang de collégiens qui sont en vacances alors que c'est le Thanksgiving break. Et c'est à peu près ça, le résumé. Le film dure 1h05 et on va de toute façon le décortiquer, fait que pas besoin d'en dire plus pour l'instant. Qui veut donner son opinion en premier? Moi, elle est tellement exécrable, mon opinion, je pense que je vais laisser une chance à Steven. Ah, parce que tu croyais que mon opinion est mieux de mon bord. Ok, je vais y aller. Thanksgiving, comme je disais, je connaissais absolument rien du film. J'étais pas plus excité que ça de le voir. Quoique, la pochette me rappelait beaucoup les films de la trauma, comme le disait JF. Puis je me disais, oh, ça va peut-être être juste un gros délai, ben le fun. Puis En plus, ça dure quoi? 1h06. Fait que c'est pas trop long. On a le temps de d'endurer ce film-là si jamais c'est vraiment catastrophique. C'est drôle, hein? Le premier plan du film, c'est une grosse paire de boules. Oui, Vicky m'avait il l'avait annoncé, c'est sur la pochette. C'est incroyable. C'est sur la pochette. Vous allez « boobs in less than 8 seconds ». C'est une affaire de même genre. Il y a dès les 8 premières secondes. Tu sais, tu fais comme « OK ». Ben c'est drôle, wow. Moi je l'avais pas vu sur la pochette. Fait que quand le film débute, c'est comme un gros zoom sur le sein. Fait que tu catches pas forcément tout de suite, mais plus la caméra recule, plus t'es comme non, c'est vraiment une boule, puis on est supposé être en 1800 ou 1600, ouais. Je sais plus, cuc, parce que c'est comme la première comment la fête de Thanksgiving commence, je crois. Là. C'est un peu vague dans ma tête. Ben, l'histoire des Pilgrims puis tout ça que je connais pas. Ouais, là, un ouais. Petit flashback pour nous résumer comment cette dame-là va finir par revenir plus tard. Je pensais que comment cette dame-là va finir par crever plus tard. Faut avoir vu le film pour comprendre parce que c'est vraiment une grosse madame qu'on a juste mis ses seins en dehors de son costume. T'sais, c'est que ça, là. Mais le pire, c'est que le costume a l'air d'être construit à la base pour que ses seins sortent. On dirait un costume de star porno, tu sais. J'ai pas l'impression qu'elle s'est habillée comme ça puis que les seins ont juste sorti. Ça a l'air d'être fait comme ça. Ouais. C'est très cheapette. Comme le restant du film, d'ailleurs. En fait, moi, je vais tout de suite le dire, j'ai pas trippé pantoute sur Thanksgiving. Et en tant que tel, j'aime ça, les films de la trauma, mais je trouve que ce film-là a vraiment pas l'esprit de la trauma, même si le poster semble nous le faire croire, parce que honnêtement, j'ai eu l'impression que c'était une gang de jeunes de 12 ans qui ont pris une caméra puis qui ont décidé de faire un film sur une dingue qui va tuer du monde. C'est fait tout croche. Parce que moi, ici, une chose que j'ai de la misère avec ce genre de film-là, j'aime pas le so bad it's good volontaire. J'adore les mauvais films qui sont pas supposés être mauvais puis qu'au bout du compte, on s'amuse puis on trouve ça vraiment drôle vu que c'est mauvais. Là, tout est assumé, mais assumé de manière très bordélique. C'est très mal fait, c'est mal écrit, c'est mal réalisé. L'histoire est très classique. On va vraiment suivre ça de manière comme un slasher avec le groupe de jeunes qui sont toutes stéréotypées au max. T'as le footballeur, t'as l'estime niaiseuse qui veut tout le temps fourrer, qui monte ses boules aux 2 secondes pour aucune raison parce qu'elle est juste vraiment tard dans le film. Mais elle les monte pas. Je pense que la seule nudité, c'est au début du film. Elle garde sa brossière, en effet. Oh oui. Mais je veux dire, déjà partant, les personnages sont exécrables, mais sont pas drôles. T'sais, en tant que tel, je me dis, OK, c'est pas grave, c'est voulu que ça soit des mauvais personnages, mais si à la limite, leurs répliques ou les discussions seraient amusantes, même pas, j'ai vraiment pas embarqué là-dedans, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile à suivre, ce groupe de personnages-là, qui sont vraiment qui sont vraiment pas bons, sont très mauvais acteurs, c'est assez terrible. Mais au fur et à mesure que la dinde va finir par arriver, je me dis, bon, ça va peut-être prendre son envol. Mais même là, je pense que l'arrivée de la dinde est un des moments les plus stupides du film, même s'il y en a des tonnes. C'est juste parce que le chien va décider d'aller pisser sur l'espèce de petite croix en forme de tête de bambou d'Indien. Un totem, ouais. Ça va ramener à la vie la dinde qui va commencer à assassiner tout le monde. Et c'est une dinde très vivante, là. Elle a des dialogues, elle lance des répliques stupides. Ça me rappelait beaucoup de Ginger's Man. Je sais pas si je me trompe. Ginger Dead Man. L'espèce de biscuit en pain d'épices qui assassine tout le monde avec des répliques. Je trouvais que le film était fait dans cet esprit-là, puis ils essayaient de faire ça, mais non, j'ai vraiment pas embarqué. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Je veux dire, les meurtres sont assez exécrables. Les effets spéciaux sont très bas de gamme. Puis encore là, je suis capable d'être du genre d'habitude dans ce genre de production-là, mais j'ai trouvé ça pas. J'ai vraiment pas trouvé ça le fun pantoute. Aide-moi, Vicky, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. OK, parfait. J'embarque. Parce que c'est la même chose que toi, Steven. J'ai détesté. Parce que je trouve qu'on peut pas créer un So Bad It's Good. Un So Bad It's Good, on aime ça parce que ça a le charme de quelqu'un qui a voulu faire un bon film. Tu sais, on parle gros que le maître du So Bad It's Good, c'est Ed Wood. Mais Ed Wood va jamais dire que ses films sont mauvais. Quand que tu fais un So Bad It's Good, c'est parce que tu mets tout ton cœur, puis tu fais le plus beau film et le meilleur film que tu peux donner, puis ça donne que finalement c'est raté. Ça donne que quand tu prends un recul, puis la distance d'un spectateur oblige, tu fais ben voyons que t'as pas vu à quel point c'est ridicule, que tes acteurs sont mauvais, voyons que t'as pas vu qu'à chaque fois que tu tournes la caméra d'angle, il y a un 2 secondes de délai avant que la personne parle parce que c'est ce que t'as exigé sur le plateau de tournage, tu sais. Ça, c'est un So Bad It's Good parce que ça a du charme. On en a plein. On en connaît plein des films. Tu sais, Tommy Wiseau qui a fait c'est The Room, hein? Tu sais, ce gars-là, là, jamais il va dire que son film est mauvais, là. Son film, pour lui, c'est sa vie. C'est quelque chose qui a mis son cœur, son argent, son énergie. Là, on a une gang d'adolescents qui a décidé de faire un So Bad It's Good, qui ont dit, hey, on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget, on va faire un mauvais film. De toute façon, c'est ça qui pogne. Et comme je dis sur la pochette, c'est écrit, vous allez voir des seins en 8 secondes. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, c'est pas du monde qui ont raté leur film, c'est du monde qui voulait faire un film raté puis qui voulait faire rire les gens autour d'eux. Mais je suis désolée, mais ça, ça s'appelle un film inside, un film qui a tué entre tes chums de gars parce que tu vois tel gars se faire casser la gueule, tu vois un gars être nerd, tu vois un gars faire le gros épais. Là, tu vas rire parce que tu les connais. C'est un film inside, c'est un film que tu montres dans ta communauté. C'est pas un film que tu montres à grand public puis que tu essaies de distribuer comme étant un bon film qui a raté sa cible. Parce que t'as pas raté sa cible, c'était ça ta cible de faire un mauvais film. Et moi, ça m'insulte. Pour vrai, ça m'insulte. Parce que je trouve qu'à plein de moments, on aurait pu aller à quelque part, on aurait pu amener le film ailleurs, mais non, on s'est dit, pourquoi on mettrait de l'énergie à créer des relations logiques, à créer des moments qui font du sens? Je vais vous donner un exemple. La turkey, la dinde, a tué le père de famille. Puis là, la famille arrive dans la maison. Puis, ah, la dinde apporte le chapeau du père. Fait que tout le monde pense que c'est le père. Mais la dinde, là, est pas plus haute que mon chien. Fait que quand la fille veut donner des becs s'il joue à son père, faut qu'elle s'accroupie à quatre pattes. C'est con, là. C'est con, je veux dire. Tu peux pas penser que c'est ton père, tu t'accroupis à quatre pattes pour lui donner des becs. C'est juste... Oui, vas-y. C'est parce que dit comme ça, la manière que tu décris la scène, ça a l'air drôle. Tu sais, tu dis, OK, je prends pas ça au sérieux, puis on va juste s'amuser, mais c'est que c'est vraiment fait de manière maladroite. Ça en est même pas drôle. Puis, tu sais, si, comme tu disais, le meilleur exemple possible, The Room, là, si ça a un statut culte, puis tout le monde trippe, puis va le voir au cinéma pour en rire, c'est justement parce que le gars, il a vraiment fait ça avec sérieux, puis il s'imagine que c'est bon. Tu sais, il disait qu'on était supposé pleurer en voyant The Room parce que c'est touchant. Là, je veux dire, t'as refait The Room, mais que tout ce qui arrive dans le film, les performances sont volontaires, que Tommy Wiseau joue mal comme ça parce que c'est volontaire. Oublie ça, ça n'a plus le même charme, puis t'auras pas vraiment le même fun qu'un film qui se prend au sérieux. Moi, je me rappelle quand j'ai vu Border Mick, qui était le film à voir il y a une couple d'années parce que c'était apparemment tellement mauvais que ça en est drôle. Mais quand j'ai vu ce film-là, c'était tellement, tellement trop, trop mauvais puis trop voulu, ça me semblait tellement stagé que j'ai pas embarqué, j'ai pas ri, parce que je me suis dit, gars, c'est du foutage de gueule, le réalisateur, il est conscient de qu'est-ce qu'il fait, et c'est un sauvage des goûts volontaires. Le 2, oui, pour Birdemic, la parenthèse, le 2, oui, mais pas le premier. Le premier, pour vrai, moi, j'ai fait partie du douteux, puis il y en a plein de films comme ça, puis les acteurs te parlent, puis ils sont francs, puis ils sont fiers de leur projet dans le premier Birdemic. Fait que le premier, il y a beaucoup, beaucoup de... c'est ça qu'ils voulaient donner, là. Mais le 2, oui, là, on a surfé sur la vague. Mais... T'sais, moi aussi, comme je dis, je fais partie du douteux. Puis des films comme ça, j'en ai plein. Des réalisateurs, j'en ai un entre autres. Il a fait deux films, mais un de ces deux films que j'adore, c'est un film écologique. T'sais, quoi de pire que quelqu'un qui a pas de budget puis qui veut faire un film écologique? C'est génial comme film parce que ça marche pas. Parce que tu vois qu'il a mis de l'argent dans un de ses plans, un plan de caméra, peut-être même un plan de drone. Fait que tu vois qu'il a mis de l'argent, fait qu'il repasse tout le temps. T'sais, tu peux faire un jeu de boisson où quand tu vois le plan des éoliennes, faut que tu prennes un shot, là. Mais tu vois que le gars, il veut vraiment te montrer la richesse des éoliennes. Là. Il y a de l'amour là-dedans. Pas dans ça. Pas dans Thanksgiving. Il n'y a pas d'amour. À la limite, il pourrait avoir de l'amour dans la maquette de la dinde. Mais après ça, si c'est juste là que tu en as mis puis qu'elle a l'air juste de ça, ça marche plus. Là. Mais tu sais, à la limite, si tu veux faire un So Bad It's Good, essaie de pas en faire un trop volontaire, puis si tu veux juste faire une comédie d'horreur stupide avec une dingue qui tue, ton concept à la base peut déjà donner des scènes puis un métrage le fun qu'on pourrait s'amuser à écouter. Tente au moins d'essayer de créer quelque chose qui a de l'allure de soi-disant drôle, d'essayer d'écrire des bonnes scènes qui sont connes. Là, je veux dire, c'est juste écrit tout croche parce que c'est facile de faire un So Bad It's Good volontaire, de juste à écrire puis jouer n'importe comment. Peut-être que les acteurs sont naturels puis... ils n'ont pas eu besoin de se forcer grand-chose pour essayer de faire un mauvais film. Mais comme tu dis, ça, c'est le genre de film que tu écoutes entre amis. Puis, mais même pas celui-là. Non, mais entre amis dans le sens que l'équipe du film, eux, ils ont dû écouter ça. Puis ils se disent, ah, c'est vraiment le fun. Puis je suis sûr que les gens pourraient avoir du fun avec ça. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un ratage. Là. Et toi, Jeff, t'es un petit peu silencieux. Là. Parle-nous un peu. Ouais, ben non, je vous laissais parler. moi, j'ai adoré, c'était un chef-d'œuvre. Non, je suis d'accord sur pas mal tous les points. Moi aussi, j'ai trouvé ça long. Ça dure 1 heure, puis t'as l'impression que ça en dure 3. Cependant, juste pour me faire un peu l'avocat du diable. Comme ça m'arrive souvent, l'avocat du diable, je fais souvent ça, mais juste pour dire quelques petits points positifs, moi, il y a une passe que j'ai crissement ri parce que c'était tellement absurde, puis tu l'as un peu évoqué, mais c'est pas exactement ça. C'est que quand la dinde arrive, je vais le dire tout d'abord en premier pour les gens qui l'ont pas vu, la dinde parle avec une voix d'homme parce qu'en français on dit la dinde c'est un. Dinde, c'est un mot féminin, mais en anglais, turkey, je pense que c'est masculin, si on veut, parce qu'il n'y a pas vraiment de sexe. Mais j'ai déjà entendu des chansons, mettons, comme par exemple, sur des chansons pour enfants sur des araignées, puis spider en anglais, c'est vu comme masculin, parce qu'ils vont donner souvent un nom de gars à une araignée, puis fait que je pense que turkey, c'est. C'est pour ça je pense que pour eux autres, ils prenaient ça pour acquis, c'était correct, là, tu sais, qu'elle parle avec une voix d'homme, parce que si on l'avait fait au Québec, mettons le film, la dinde, on dirait la dinde qui parle, ça serait une dinde avec une voix de femme, là, probablement, tu sais, ça serait une dinde, c'est féminin. En tout cas, peu importe. C'est un détail. Mais bon, Ça serait la dinde parle avec une le voix d'homme. dindon tueur. Le dindon. Ouais, exactement, c'est ça, le dindon, tu sais. On fait cette différence-là. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que Mané, elle vient sonner à la porte du shérif, qui est le père d'une des filles dans la gang. Puis tu nous as parlé tout à l'heure, plus tard, elle va prendre la face du shérif. Mais au départ, la dinde, elle sonne à la porte, puis elle a une face, tu sais, les fameuses lunettes avec un gros nez, puis une Oui. moustache, puis des lunettes. Elle a ça dans la face. Puis le shérif, lui, est déguisé en dinde parce que c'est Thanksgiving, puis tout. Puis les deux, tu sais, puis là, le shérif, il invite la dinde à s'asseoir à sa table. Puis là, t'as ce plan-là des deux qui sont assis à la table en train de boire un café ou un thé, mais j'étais tellement mort de rire, j'ai fait ah, si, que c'est absurde comme image, puis comme situation. Puis, t'sais, le gars déguisé en dinde, puis la dinde déguisé en homme qui disent rien parce que c'est un petit peu awkward comme moment. J'ai fait ah, si, que c'est drôle, c'est tellement drôle, là, ce bout-là. C'est le seul bout de drôle que j'ai vraiment trouvé dans le film. Puis une autre petite affaire qui m'a fait sourire, c'est qu'à un moment donné, il y a un montage dans le film quand ils cherchent une solution contre la dinde, puis qu'ils vont chercher un livre chez le shérif, justement, dans son sous-sol. Puis là, toute la gang, ils cherchent, puis là, t'as les deux, trois adolescents qui cherchent, puis t'as le gros, le gars qui mange, tu sais, il mange des frites, puis ça revient deux, trois fois sur lui qui mange des frites. T'as l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures qui passent. Puis à la fin du montage, ils sont comme. Bon, on n'a rien trouvé. Ah non, c'est ça, il trouve le livre, c'est ça. Puis là, le gros, il dit, ah, oh, enfin, c'était le temps, je suis affamé, tu sais. Puis on vient juste d'avoir mangé 3-4 frites, 3-4 paquets de frites d'affilée, tu sais. Comme, c'est ça, dans le fond, tu comprends qu'il y a juste peut-être 5 minutes qui est passé, ou je sais pas. Mais, C'est plus abusé que qu'est-ce qu'il y nous, a. finalement. Ben, j'ai essayé de trouver des moments, tu sais, puis c'est ça, dans le bout du montage, là, ça arrive à peu près une demi-heure du film, à la moitié du film, puis j'ai commencé à me faire la réflexion que je m'intéressais un petit peu plus au personnage qu'au début. Au début, je m'en foutais, toute la scène de camping, ça, je me foutais des personnages, puis à un moment donné, j'ai fini par m'y attacher un petit peu, mais pas vraiment attaché, là, tu sais, juste pour dire que c'est correct, j'ai envie de le finir, le film, j'ai pas envie de l'arrêter nécessairement, tu sais, je vais le continuer, puis j'ai vu pire que ça comme personnage de film, là, tu sais, même si c'est tout des stéréotypes, comme Steven l'a dit. Puis dans la gang, moi, j'ai pas détesté le nerd. Au début, je l'aimais pas vraiment, mais j'ai fini par m'attacher à lui parce je trouve que c'est lui le meilleur acteur de la gang. Je trouve qu'il se donne à fond dans son rôle, puis des fois, il peut être drôle un peu, tu sais, mais c'est pas encore là un grand acteur, rien du tout. C'est pas une bonne performance tant que ça, mais c'est juste comparé aux autres, il est meilleur. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La dinde, elle me. Ça aurait pu être plus fun, ça aurait pu être plus drôle. On est habitué à cette heure de nos jours au tueur avec le one-liner, tu sais, à la Freddy Krueger. Fait que c'est rien de nouveau, la dinde qui fait des one-liners. Nice tits, bitch. Ben, gobble, gobble, motherfucker. Puis c'est comme ça a plus d'impact, là, tu sais, ça marche pas vraiment, tu sais. Puis à un certain moment donné, moi, j'avais l'impression qu'ils ont créé le personnage de la dinde. Après ça, ils ont créé qu'est-ce qui serait drôle. Avec cette dinde-là, quel moment serait drôle de mettre en scène la dinde? Puis après ça, ils ont créé un film. Tu sais, comme quand, un beau petit spoiler ici, mais la fille cochonne se fait fourrer par la dinde. Ha ha ha. Puis, en bon français, en bon québécois, à la fin, il fait tiens, en v'là une qui a été fourrée. Tu sais, en v'là une dinde vraiment fourrée. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça a été écrit avant le film, cette joke-là. Puis ils ont tout fait pour placer cette joke-là parce que ça n'a aucun sens qu'elle revienne, tu sais, dans. Qu'elle revienne dans l'histoire. Ça ne fait aucun sens. Elle n'est plus dans l'histoire. Elle est partie chez eux. Puis finalement, elle revient, tu sais, Ben, juste la pour scène de placer le sexe, ça gag. sert juste à ce jeu de mots-là. Exactement. Ah, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Non, non, c'est ça, c'est tout construit autour du concept de la dinde tueuse, puis c'est pas pour raconter une histoire tant que ça, là, tu sais, c'est juste pour faire des jokes. Mais c'est ça, c'est un film qui n'en vaut pas vraiment la peine, selon moi. C'est une grosse Il y a tellement mieux. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, on le dit depuis le début, la pochette fait penser à un film de trauma, ça n'est pas un. Puis, chez Trauma, on trouve des affaires bien plus intéressantes farce. que ça, là. Même si c'est du gros what the fuck tout le long aussi, en général, mais ça se trouve plus intéressant que ça, là, Ben, même chez Full Moon, tu sais, j'ai parlé du biscuit en pain d'épices. Même celui-là, je te dirais que j'ai eu un peu plus de fun parce que c'est un film un peu plus compétent, puis ils assument qu'ils sont en train de faire. Une comédie ridicule, là. Il essaie pas vraiment de faire du so bad it's good, là. Non, c'est ça. T'sais, on parle de So Bad It's Good, puis j'en ai tellement écouté. J'ai animé pendant 4 ans Les Douteux. Pour ceux qui ne savent pas, allez sur douteux.org, ça va répondre pas mal à toutes vos questions. Mais pendant 4 ans, j'ai écouté justement des mauvais films, des films qui se croyaient bons. Puis quand j'ai écouté ça, j'étais là, non, c'est pas ça. Hey, y a des répliques, là. Vous allez avoir des répliques de mauvais films qui vont vous rester en tête parce que il y avait tellement de passion dans la réplique, il y avait tellement de cœur, là. Puis tu sais, la personne le dit avec tellement de véracité dans son interprétation, un jeu d'acteur où qui croit sa réplique, puis toi, t'es comme, hostie, tu te rends pas compte que c'est ridicule. Ça se prend au sérieux. C'est ça qui est drôle, quand ça se prend vraiment au sérieux. C'est ça, ben oui. Puis, ben, c'est dommage parce qu'on n'a pas. Tu sais, Thanksgiving, c'est pas tellement une fête qu'on. Ben, de toute façon, ça, c'est la version américaine parce que c'était à la fin novembre. Nous autres, au Canada, on a ça genre mi-octobre, je pense, là, l'action de grâce. Mais, tu sais, c'est pas vraiment une fête si importante que ça, je pense, pour nous autres. En tout cas, je vais parler pour moi, là. Puis, tu sais, on n'a pas de film tant que ça qui d'horreur qui tourne autour de ça. Ça aurait été le fun. Si Eli Roth avait fait son fameux Thanksgiving en 2007-2008, dans ce temps-là, c'est quand le buzz était hot, mais je pense que même à ce temps, ça serait trop tard. Là. C'est dommage, mais... parce que c'était honnêtement, dans toutes les fausses bonnes annonces de Greenhouse, c'était elle qui s'est faite le plus parler, qui était le plus hot, puis c'est Machete qui s'est fait faire, puis c'était pas forcément lui que j'aurais voulu voir en film, là. C'était même le dernier. Ben, il y a eu Hobo with the Shotgun aussi, qui était bien, bien parlé aussi. Hein. Ouais, mais lorsque moi j'avais été voir Greenhouse au cinéma, il y avait pas Hobo dans les fausses bonnes annonces. T'es sûr? Ouais. Parce que moi, il l'avait, il me semble, quand j'étais allé en 2007 voir le film. Mais j'avais lu de quoi qu'il y avait quelque chose comme deux versions. Les premières versions du film, il y avait Hobo, puis les suivantes avaient juste les autres avec Rob Zombie, puis Edgar Wright, puis tout ça. Parce que moi, je l'avais pas vu, Hobo, lorsque j'avais été le voir au cinéma. Puis lorsque Hobo est sorti, je savais même pas que c'était tiré d'une fausse bande-annonce. Je mettrais quasiment ma main au feu que je l'ai vu avec les autres. En tout cas, mais t'as peut-être raison sur les deux versions. Puis, ben non, c'est ça, il n'y a pas tant de films que ça. Ça aurait pu être le fun de n'avoir un, mais ça n'est pas un bon, je trouve, de film d'horreur de Thanksgiving. Non, vraiment pas. Est-ce que vous seriez prêt à essayer le troisième? T'as essayé le deux? Ben, il n'y en a pas deux. Ils ont comme fait un peu Bryce Dallas avec Jean Dujardin, ils ont comme sauté directement au trois. Là. Le résumé du trois dit qu'il faut que, dans l'histoire, il faut qu'ils trouvent la dernière copie du Thanksgiving 2, quelque chose comme ça. C'est un film super méta, okay. Je pense. Ah, ben oui, ben c'est ça, déjà le premier, il met ça envers lui-même, là, dans un sens. OK. Mais tu sais, un autre exemple pour montrer à quel point c'est cheap, le totem dont tu parles, Steven, tu vois qu'il est acheté au Dolorama la veille du tournage. Tu sais, ils se sont même pas forcés pour faire quelque chose d'un peu mythique, là. C'est, on a acheté ça dans un Dolorama, puis on a sacré ça, puis on fait un gros plan dessus. Forcez-vous un peu, même pas. Ça non, c'est pas, vraiment cheap, là. Mais pour répondre à ta question, Steven, je serais quasiment curieux. Mais combien de temps qu'il dure? Je vais juste vérifier voir sur IMDb. S'il n'est pas trop long, c'est 2-30 minutes, je dois t'avouer que je vais peut-être tenter le coup. Yeah, 99 minutes. 1h40. Ouais. Ben non, les gars, ça va être notre prochain live. Non, ça va être notre prochain live téléphone. Ben pas téléphone, mais qu'on commente en direct. Ça va être notre prochain commentaire en direct. Question de copyright, je suis pas sûr, mais en tout cas. Ils viennent de poursuivre, ouais. Es-tu vraiment quelqu'un qui va défendre ça? Ah, mais je sais pas. Les robots sur YouTube sont bien sévères là-dessus. Ouais. Maudit robot. Skynet, c'est la faute de Skynet. De toute façon, les gars, nos trois faces qui commentent un écran noir, c'est plus intéressant que ce film-là. Non, on va juste mettre la photo de la pochette et on va commenter. Mais ça a arrêté. Thanksgiving, c'est vraiment fait pour ça, pour faire des commentaires par-dessus. Oui. Soit dans la vraie vie, là, avec une gang d'amis, ben, soit sur YouTube ou ailleurs, parce que ça se prête tellement à ça, c'est tellement dole par soi-même de film. Mais est-ce que vous croyez que c'est encore un de ces films-là qu'on a écouté chacun notre bord, qu'on a trouvé ça mauvais et emmerdant, qu'on aurait peut-être trippé à voir les trois ensemble et on aurait eu plus de fun? Pas dans bon. On aurait fait des jokes tout le long, je pense. Moi, c'est parce que ça n'enlève pas le fait que j'ai tout le temps, moi, eu de la misère avec les So Bad It's Good volontaires. Fait que je crois que même à ça, On aurait peut-être eu plus de fun, on aurait peut-être, comme tu dis, Jeff, dit plus de niaiseries, mais je crois pas que j'aurais apprécié le film pour autant. C'est pas le genre que j'apprécie honnêtement, là, que je désire dans les mauvais films. Non, non, mais au pire, c'est ça, excuse-moi Vicky, mais t'sais, au pire, on aurait juste pris de la bière, puis on aurait eu du Ah fun, oui, puis ça c'est sûr. on aurait fini de regarder, on aurait arrêté de regarder le film, puis on aurait juste jasé, puis pendant qu'il aurait joué en background, Puis t'sais, on aurait pu mais... faire comme le show sur YouTube de Best of Worst, détruire le DVD à la fin vu que c'est tellement pas bon. C'est sûr, c'est toi qui l'avais acheté le DVD dans ce cas-là. Ouais, mais là, j'ai... Non, honnêtement, je l'ai pas acheté pour de vrai cette fois, puis je compte pas l'acheter. Est-ce qu'on a fait le tour de Thanksgiving? Je pense que Pense que oui. ta recommandation, GF? Ish, si un ami un jour veut vous le prêter pour que vous le regardiez, envoyez les chiens. Et toi, Vicky? Ne faites surtout pas pipi sur le DVD, c'est ça qui réincarne les dingues. Oh my god, c'est tellement merveilleux que moi j'ai même pas de bonne réplique à dire après ces deux-là. Fait que je vais juste dire, passez votre tour. Comme disait JF, il y a d'excellents films de trauma qui sont beaucoup plus fun puis qui sont beaucoup plus charmants que ça. Tu sais, dans le style volaille, allez voir Poultrygeist. Ouais, Poultrygeist, c'est vraiment beaucoup plus fun. Fait que c'est ce qui conclut notre opinion sur Thanksgiving. J'imagine qu'on va enchaîner avec une petite chanson. On n'a pas encore décidé en fait qu'est-ce qu'on voulait mettre. Fait qu'on va y aller avec une chanson mystère. Je ne sais pas c'est quoi, mais allons-y avec la chanson mystère. You're sitting at home and your stomach is bubbling. No food in the fridge and your hunger is growing. To get drive through murder with fries described as fast food. You better run, 'cause this is Poultrygeist. When the blood keeps spilling, this is Poultrygeist. When the slimes are killing, you'll be eaten alive by zombie chickens tonight. To be baked and broiled, thrown in a pan to be fried in some oil. Motel Hell, Nuit de cauchemar de 1980. Hein, super bonne traduction entre Nuit de cauchemar et Motel Hell. On va dire Motel Hell, les gars, vous êtes d'accord? Oui. Ça a beaucoup plus de sens. En fait, si on veut faire un résumé sans spoilers, c'est juste un bon petit monsieur, un bon petit fermier qui vend la couette de porc fumée Au touriste, ils vendent la couette de porc fumé aux touristes, puis il y arrive des mésaventures. Et si on fait un résumé avec spoilers, donc le résumé que vous pouvez trouver sur IMDb, en fait, il engraisse ses cochons et il mélange son porc fumé avec des êtres vivants qu'il cultive dans son jardin. Et oui, il attrape des gens sur le bord de la rue, il les met dans son jardin et il attend qu'ils soient prêts pour les tuer et mélanger tout ça dans sa couette de porc. Et c'est Motel Hell. Jeff, tu veux-tu enchaîner avec ton opinion? Oui. Je veux juste préciser d'accord. Une petite chose. Au début, j'avais dit que c'était le même réalisateur que Night of the Demon et Witchboard, mais je me suis mélangé avec Kevin Tenney. Là, c'est Kevin Connor, qui n'a aucun lien. Puis, c'est ça. Ça m'achalait, j'aime pas ça faire des erreurs. Moi, au début de l'épisode, je t'ai dit que je connaissais juste de nom, mais je mélangeais tout le temps ce film-là. Je mélange deux films dans ma tête tout le temps. Là, je vais arrêter de les mélanger parce que je les ai vus tous les deux. Mais c'était avec... j'ai mélangé avec Eaten Alive de Toby Hooper. Ça n'a pas vraiment rapport, je pense. C'est drôle, je pensais que tu allais me dire American Gothic parce que je trouve que les deux posters de ces films-là sont assez similaires avec le couple de vieux avec leur fourche. OK, non. Mais j'ai pas vu ce poster-là. Je regarde le poster sur IMDb. Puis, OK. C'est pas ça. Mais non, avec Eaten Alive, puis je sais pas pourquoi, en fait, j'ai aucune idée. Je pense que... Non, en fait, j'ai aucune idée. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Non, c'est ça, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je vais suivre mes notes que j'ai prises, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on a écouté les films. On était supposé faire un épisode dans le temps de Thanksgiving, ouais. ça a pas donné. Fait que j'ai aimé la musique, beaucoup aimé la musique. C'est un film que je m'ajouterais le soundtrack, je pense, même si des fois c'est un peu country puis tout. Mais il y a quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la musique. Je trouvais qu'il y avait un petit côté inquiétant, puis j'ai bien aimé ça. Le bonhomme qui est joué par Rory Calhoun, qui s'appelle Vincent, il y a des airs, des gros airs à ouais, Ray Wise de nos jours. Là, on dirait que Ray Wise a complètement basé toute sa personnalité sur ce personnage-là, sur cette interprétation-là. Tu sais. Et Rory Calhoun, je ne savais pas vraiment, mais c'est un acteur qui a fait beaucoup de films dans les années 50, 60. On le voit dans... comment épouser un millionnaire avec Marilyn Monroe et j'ai oublié qui. Mais c'est ça, c'est un gars qui avait déjà à ce moment-là 30 ou 40 ans de métier, je pense. Le groupe de musique qu'on voit qui vont se faire pogner par Vincent et sa femme, Ivan and the Terribles, j'adorais le nom. Si j'avais un nom de groupe, à cause de Ivan le Terrible, le fameux russe. Puis à un moment donné, il y a un des gars je pense que c'est le conducteur qui dit « We better find a place to crash » 2 secondes avant que le camion crash. Ça m'a fait rire. J'ai noté que la jeune actrice dans le film est mauvaise. Je pense que ça, c'était vers le milieu du film que j'ai noté ça, puis je pense que ça m'a pas... tout au long du film, j'ai pas vraiment accroché à son personnage tant que ça. Direction photo, pas pire. Quelques beaux plans. Je sais pas vraiment à quoi je faisais référence, mais je pense que la direction photo est quand même pas bonne. Je pense que tu voulais peut-être plus parler comme l'intro notes. Avec l'enseigne, le rouge. Non, tout okay. Le film en tête. Je pense qu'il y a vraiment des manières qu'il positionne la caméra des fois, puis des trucs. Là, comment est-ce qu'il construit ses plans que j'aimais bien. Je sais pas qui a fait la direction photo, mais j'aimais bien ça. La dernière réplique du vieux, mais si on peut attendre avant de le dire, ça m'a vraiment fait rire. Là, sa dernière réplique. Mais c'est ça, je voyais de mémoire, là, j'ai beaucoup aimé la performance du vieux de Rory Calhoun, son personnage est tellement attachant, là, tu sais, puis un petit peu moins celle qui est avec lui, en fait, c'est sa sœur, parce que je pense qu'au début, on le sait pas vraiment, mais j'ai vraiment juste compris vers la fin que c'était sa sœur, puis... Non, j'ai quand même bien aimé leur relation, puis leur personnage. Il y a quelque chose de très naturel dans le jeu, la manière d'agir tous les deux. Puis je sais pas, c'est un couple que j'ai trouvé très très le fun. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le policier, j'ai plus ou moins accroché. Je le trouvais cabotin un peu. Je le trouvais un peu. Je sais pas, j'ai pas rien pensé de spécial à lui. Non, je sais pas, je pense que je vais vous laisser parler, puis ça va m'en revenir au fur et à mesure. Moi, j'ai trouvé ce petit film-là assez étrange. Je pourrais facilement le mettre dans la section OVNI. J'ai vraiment pas eu ce à quoi je m'attendais, puisque le film a quand même eu une bonne réputation dans le sens que le monde voulait absolument voir ce film-là à cause de son affiche, parce que tu vois quelqu'un avec une tête de cochon puis une tronçonneuse. C'est vraiment, je pense, cette scène-là mythique qui a fait en sorte que le film est assez connu aujourd'hui, puisque je pense qu'en tant que tel, c'est le genre de film qui aurait peut-être sombré un peu dans l'oubli. Il n'y a rien qui fait en sorte qu'il aurait mérité d'avoir un statut culte, je crois. Mais j'ai eu du fun. C'est une espèce de comédie d'horreur, mais c'est vraiment weird. Par moments, j'ai pas l'impression que c'est supposé être drôle, mais ça l'essaye d'être drôle. C'est ambigu pas mal. Et j'ai beaucoup adoré le couple. Comme toi, JF, je les trouve super attachants. Il me rappelait, en fait, c'est pas un couple, mais tout au long du film, t'as l'impression que c'est un couple. C'est juste lorsqu'il y a un petit revirement raté qui fait en sorte que t'es comme, oh non, ok, c'est sa sœur. Mais j'ai beaucoup adoré ces deux personnages-là parce qu'ils me rappelaient beaucoup les deux personnes âgées dans le film Dolls de Stuart Gordon. Ils ont comme tout le temps un gros sourire, ils sont tout le temps attachants, accueillants. Puis, tu sais, j'irais facilement passer une nuit dans leur hôtel. Mais moi, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment étrange dans le film. Ça s'appelle Motel L. Là, je me dis, ok, ça va être comme un genre de psycho dans le sens qu'il y a du monde qui va venir coucher à l'hôtel, ils vont les prendre, ils vont les utiliser pour faire de la viande avec leur corps. Mais le vieux, il s'amuse tout le temps à aller chasser sur la route. Il est obligé d'aller chercher les victimes sur la route parce qu'il n'y a pas grand monde qui va à l'hôtel pour la simple raison que c'est une ferme. Ils sont au milieu de nulle part. Il faut que tu prennes la petite route pour aller chez eux, pour aller les voir. J'ai pas l'impression qu'il y a une autoroute qui passe réellement devant leur motel. Fait que tout le long du film, il y a peut-être quoi? Trois personnes ou deux qui viennent arrêter pour vous louer une chambre. Sinon, la plupart du temps, toutes les victimes qui font partie de leur grange, c'est tout du monde qui a été chassé sur les routes. Fait que ça, je trouvais ça plutôt drôle. Et toute la tournure de qu'est-ce qu'ils font pour que les victimes deviennent leur ingrédient secret pour leur viande. Ils vont vraiment créer une espèce de petite grange secrète, puis ils vont les enterrer comme si c'était des légumes. Avec la tête sortie, ils vont leur couper les genres de cordes vocales pour pas qu'ils puissent crier rien, puis ils vont juste les nourrir, puis les faire grossir, puis faire en sorte qu'ils soient prêts à être mangés. Mais la manière que c'est fait, la manière que c'est tourné, que c'est fait, c'est vraiment loufoque, c'est stupide. J'ai eu de la misère à prendre ça au sérieux. Tout le long du film, c'est un peu ça. C'est vraiment over the top, si on veut, les situations. Même l'actrice principale, la blonde, qui va finir joindre avec eux, puisqu'au départ, il va faire un accident, puis elle va s'écraser avec son chum, alors qu'au début, je pensais que c'était son père. Encore là, il y a une drôle de manière qu'on voit les couples là-dedans. On a l'impression que c'est soit des couples ou des gens de famille. Puis finalement, il va le tuer par accident. Il va être mort, puis elle va survivre, puis il va décider de la garder avec eux. Je sais pas pourquoi, je pense que le vieux Vincent, il a peut-être eu un petit attachement vers elle. Il la voyait peut-être comme une fille, c'est difficile à dire. Mais l'actrice est vraiment pas bonne. Je veux dire, toutes les situations avec elle sont vraiment drôles. Par contre, vu que l'actrice est vraiment pas bonne, la première chose qu'il va lui dire, c'est que son mari est mort, puis qu'il l'a enterré. Puis elle a vraiment une réaction absurde, puis voir que quelqu'un va enterrer ton mari, tu sais, le gars, il a même pas appelé la police, rien, il est juste comme, ah, ton mari n'a pas survécu à l'accident, puis je l'ai enterré dans le coin, dans le cimetière au loin, là. Puis apparemment que dans cet état-là, c'est légal dans certaines situations d'enterrer les gens. OK. Mais sinon, en gros, non, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec ce film-là. C'est vraiment le fun. C'est à vraiment prendre au deux, troisième degré, ça se prend plus ou moins au sérieux, puis j'ai trouvé les situations vraiment le fun. Le personnage du policier, j'ai pas trippé comme toi, JF. Au début, je pensais qu'il était de mèche avec la famille, mais encore là, c'est ambigu, t'as l'impression qu'il sait qu'est-ce qui se passe, mais pas pantoute. Non, c'est vraiment, vraiment un petit film sympathique. Je suis vraiment curieux de savoir ce que Vicky en a pensé parce que je me demande si elle va encore trouver que c'est un genre de so bad it's good volontaire, mais je trouve qu'encore là, comme je dis, c'est ambigu là. Alors j'y vais? Ouais, vas-y donc, voir. Moi, j'ai adoré du début à la fin. En fait, les points négatifs que vous avez trouvés, moi, j'ai des réponses à tous ces points-là parce que je trouve qu'au contraire, c'est un film hyper maîtrisé, hyper contrôlé. Puis j'ai l'impression que toutes les creux de vague ou tout ce que tu dis, c'est ambigu. J'ai l'impression que c'est volontaire puis c'est pour nous surprendre. Moi, j'ai été tellement surpris à plein de moments dans le film. Juste le titre, parce que toi, tu dis que la pochette que tu as vue, c'est la tête de cochon. Mais moi, la pochette, là, c'est des têtes avec un... un auto, quasiment, je pense que c'est un auto en arrière qui tire des têtes avec. C'est un tracteur qui tire des têtes de sable avec l'hôtel. Ça, c'est l'affiche sur IMDb. Fait que c'est pas l'affiche de cochon. Celle-là, je l'ai vue beaucoup plus tard. Fait que, whoop, au contraire, je trouvais que le film s'appelle Motel Hell. On n'est pas dans un motel. Il y a plein de moments où je pensais que Vincent ou d'autres personnages allaient agir d'une telle façon, puis ils agissent jamais de cette façon-là. Oui, la fille a une réaction d'épais quand son mari est mort, mais en même temps, pour deux raisons, ça se comprend. La première, on veut en faire un bad guy, son mari, là, tu sais, le bandana, la moto. Fait que je pense qu'on veut vraiment faire un stéréotype de bad guy. Fait que si elle dit à la police qu'il est disparu, ben la police le recherchait peut-être, là, tu sais. Fait qu'elle est mieux de tenir ça mort, wow, beau jeu de mots, elle est mieux de rien dire sur le fait que son mari est peut-être mort parce que peut-être qu'il y a une fortune chez eux, tu sais. Puis après ça, moi, j'ai l'impression que moi aussi, j'ai été surpris. Pourquoi elle y a garde? Pourquoi il n'y avait pas dans le jardin? Ah, il doit avoir une raison. Peut-être qu'il n'est pas capable de faire du mal à des jeunes filles. Puis après ça, plus tard dans le film, c'est deux jeunes filles sur lesquelles il s'attaque. Fait que là, je dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? T'sais? C'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on nous surprend vraiment tout le temps dans ce film-là. Encore une fois, la scène avec les deux jeunes filles, ces deux jeunes filles en auto, là, tu te dis, ils vont se faire prendre se faire crever les pneus comme le Yvan et les Terribles. Mais finalement, non, il a mis des choses dans la rue, des fausses vaches en carton dans la rue, fait qu'il faut qu'il y ait les torses. C'est drôle puis ridicule. Mais c'est tellement drôle parce que c'est dans le genre, tu te dis, ben pourquoi tu sors? T'es sûr qu'il y a une raison pourquoi ils sont là? Lui, il sort dans l'arrière d'une des vaches en carton avec un masque à gaz. T'es, ben voyons donc, toi! Puis là, après ça, il dit à sa sœur, qu'on pense être sa femme pendant vraiment longtemps, il dit « J'aime ça avoir de la créativité dans mes meurtres. » Fait que là, tu dis « Ok, ce gars-là, il pourrait avoir creusé un trou ou juste comme les attaquer au gun en plein milieu de la rue. » Mais non, il aime ça de la créativité. Fait qu'il aime ça de mettre des vaches en carton dans le plein milieu de la rue pour attaper ses victimes. Puis c'est ce que j'ai aimé dans ce film-là, tu sais. Dans des visiteurs de l'hôtel, justement, qui viennent dormir à l'hôtel, ils se font prendre parce que ils ont inscrit l'hôtel dans un centre pour sadomasochisme et échange de partenaires. Puis c'est les premiers qui répondent à l'annonce. Donc là, ils font « Ah, mais faites-vous encore ça? » Puis ils font « Oui, oui, c'est parce qu'on vient de distribuer le pamphlet. On est surpris d'avoir enfin des gens pour ce genre de choses. » Mais finalement, tu sais, c'est juste un attrape-con. Puis là, tu te dis, OK, fait que Vincent, finalement, il veut juste tuer les mauvaises personnes. C'est un Dexter avant le temps. Tu sais, il s'en prend juste aux personnes de mœurs légères. C'est peut-être pour ça qu'il a gardé la belle petite blonde. Parce qu'il la voyait comme sa fille. Mais là, après ça, elle essaye de coucher avec. Puis là, je me dis, ben non, tu vois pas, lui, il te prend pour ta fille. Puis là, après ça, il sort, on peut pas faire l'amour, on n'est pas mariés. Oh God! J'ai tellement trouvé ça drôle, je l'ai pas vu venir encore une fois. Fait que je trouve que ce film-là, c'est un film plein de surprises. Je viens d'en spoiler beaucoup, je suis désolée. Mais je trouve que ce film-là est vraiment plein de surprises, plein de rebondissements. Il va aller te chercher où ce que tu penses pas aller, tu sais. À un moment donné, quand tu découvres les têtes pour les premières fois, c'est juste un gros bruit dégueulasse parce que c'est des cordes vocales coupées. Fait que ça fait un gros bruit vraiment terrifiant. Puis tu sais, je m'étais dit, ben, j'ai vu la pochette, c'est peut-être les têtes, mais en même temps, c'est peut-être pas ça. Fait que je m'attendais à ce qu'il y ait quand même peut-être autre chose que juste les têtes plantées. Ouais, puis la bande-annonce du film te laisse sur cette dernière... te laisse sur le shérif ou le policier qui découvre une des... qui enlève la couverte sur une des têtes, puis tu vois pas la tête. Fait que ça te laisse sur cette intrigue-là. C'est de quoi ils ont l'air, en fait, les têtes? Tu le sais qu'il y a du monde enterré, mais de quoi ils vont avoir l'air? C'est ça qui... Ça te laisse dans cette attente. Il n'y a rien qui détermine qu'ils vont être encore vivants, à part si tu lis la description IMDb, mais encore là, je l'ai lu en diagonale, fait que je m'en souvenais même pas. Quand j'ai vu qu'il est encore en vie, les têtes, je me suis dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis la fin, qu'est-ce qui arrive avec eux autres? J'ai trouvé ça incroyable. J'étais là, ben voyons donc, je l'ai pas vu venir. La fin de Vincent aussi, tu dis que toi, la dernière réplique t'a marqué. Moi, c'est pas tant la dernière réplique que... Ah oui, là, maintenant que t'en parles, oui, c'est vrai. Je m'en souviens, là. Mais c'est juste la façon qu'il se fait avoir, puis qui agonise, pas tant la réplique, mais le fait qu'il agonise. Ah, moi, j'ai adoré, pour vrai, là. Je l'ai loué, fait que j'ai payé. Eh oui, je l'ai payé sur iTunes. J'étais quasiment déçue de ne pas l'avoir acheté sur iTunes. Oh là là, les dépenses folles. Ben, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'était pas clair à mon opinion tantôt, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais pas que j'ai adoré, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'humour du film. Il y a vraiment beaucoup d'humour, comme tu dis. Puis la dernière réplique, moi, ce que j'aime, c'est que là, tout le long du film, il prend un certain, voyons, il y a une certaine fierté à dire que sa viande est fraîche, est naturelle, est ci, est ça. Puis à la fin, tu sais, juste avant de mourir en agonisant, il dit, ma vie, ça a été un mensonge parce que j'ai utilisé des agents de conservation. C'est que ça me fait rire. C'est la dernière chose à laquelle il pense avant de mourir, tu sais. De se confesser là-dessus, ça m'a tellement fait rire. Non, puis l'acteur, il joue avec un humour, là, Vincent, il a tout le temps le beau sourire. Puis, mais tu le vois qu'il est... Il sait dans quel genre de film qu'il joue, là, tu sais. Puis c'est pas un accident, l'humour de ce film-là. Tu sais, c'est vraiment c'est voulu, pas un accident, là. Puis tu sais, quand il y a des gens qui viennent visiter justement la ferme et le beef turkey, puis toute la quête. Puis, beef turkey, c'est pas ça du tout, mais c'est pas grave. Puis là, il y a deux petites filles qui ont super peur, puis ils vont se réfugier dans l'auto. Fait que là, tu leur dis, ah, il va leur sortir un suçon, tu sais, il va faire le bon petit fermier gentil. Non, ben, il leur fait une super grosse grimace, puis ils effraient encore plus. C'est comme, mais voyons, quelle personne fait ça, effrayer des enfants devant leurs parents pour le simple lol, pour juste rire. Hey, je suis là, ok, ce personnage-là, l'adore. C'est drôle parce que ce moment-là, je l'ai pas vu venir, moi, ça. Je me disais, bon, il va dire calmez-vous les filles ou faire de quoi de correct, puis il fait juste les terroriser à papier. Je suis comme, what the fuck? Alors, Vincent, c'est un personnage extrêmement attachant, puis le fun, puis drôle dans l'histoire du cinéma d'horreur, je trouve. Puis comme j'ai dit au début, il me fait tellement penser à Ray Wise. Si vous aimez Ray Wise, vous allez adorer ce personnage-là. Puis. C'est un détail, là, j'avais pas remarqué, je viens de regarder sur IMDb, puis la femme qui fait sa sœur, c'est la grosse madame dans Porky's, dans les trois Porky's, puis j'avais pas reconnu du tout, mais j'ai fait, en l'apprenant, j'ai fait, ben oui, je me niaiseux, ça a la même face. Mais non, mais c'est ça, c'est que ce film-là, tu on dit, on n'est pas sûr si c'est sa femme, sa sœur, mais c'est tellement voulu, parce qu'à un moment donné, il y a un pique-nique avec la petite blonde, le shérif, puis l'autre. Fait qu'on a l'impression que c'est un pique-nique de couple. Puis la relation qu'ils ont entre les deux. Puis là, à un moment donné, la petite blonde a fait, ben là, ils sont donc bien bizarres. Puis il fait, ouais, mais ils sont toujours comme ça, ces deux-là. Ils se taquinent, mais ils s'aiment bien. Tu sais, on a l'impression que tout le monde sait que c'est un frère puis une sœur, mais tout le monde se dit, c'est ça. Mais en même temps, c'est comme si, regarde, on questionne pas leur relation parce que c'est sûr qu'il y a peut-être de l'inceste là-dedans, mais on veut pas en parler. Tout le monde mange leur bouffe. Ils font de la bonne bouffe. Faudrait pas qu'ils arrêtent. Fait que soulignons pas le fait que c'est pas un couple. Soulignons pas le fait qu'ils sont beaucoup trop proches l'un l'autre. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis aussi, le shérif, il tombe super gros en amour avec la blonde. Puis elle veut rien savoir. Puis là, Mané, il est vraiment frustré parce qu'elle veut se marier avec Vincent. Puis il est comme, ben non, c'est censé être moi que tu te maries. Puis là, mais pourquoi? Pourquoi c'est censé être avec toi? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Puis là, il revient, il est frustré parce qu'il est comme, non, maman, c'est moi, je suis jeune, lui, il est vieux, t'es censé tomber en amour avec moi. Il est comme, mais je veux pas être en amour avec toi. Fait que oui, il est nouille. Sauf qu'en même temps, je trouve que cette fille-là est comme pleine de naïveté, mais tu sais, elle a été enlevée par le monsieur au bandana. Là. Il l'a pogné sur le coin de la rue, puis il a fait « Toi, t'es pas heureux chez tes parents. Ah ouais, sur ma moto, ma petite. » Elle connaît rien de la vie. Là. C'est ça. Là. C'est une petite innocente qui connaît rien de la vie. Oui. Puis elle boit du champagne vert. Tu sais, ça, c'est très drôle aussi. Là. Et moi, je pensais pas que Vincent était dans ce complot-là. Je pensais pas que Vincent était dans ce complot-là. Ouais, moi, je pense. Quand elle a bu une gorgée de champagne vert, je pensais que Vincent. Moi non plus. Aussi, hein? J'aurais dit, va-t'en, Chris. Ben, c'est ça, j'étais sûr qu'il allait la gifler ou de quoi. Ben, après, t'es comme, ah non, il était d'accord, mais. C'est ça, plein de surprises. Ben, encore là, il y a des surprises de même que je me demande si c'est vraiment voulu des scénaristes ou c'est juste maladroit. Ah ouais, moi, non, j'ai vraiment l'impression que. Ben, l'humour, je suis d'accord. L'humour est parfaitement. Voulu, puis tu vois vraiment que le réalisateur, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il y a des situations, par moments, je me demande si c'était vraiment voulu ou si c'est juste maladroit venant des scénaristes. Tu sais, je veux dire, toute la scène par rapport à que la fille veut se marier tout d'un coup avec Vincent, puis tout d'un coup, elle veut l'embrasser. Je trouve pas que ça arrive tout d'un coup, moi. Ben, je sais pas, j'ai trouvé que ça sortait de nulle part. Ah ouais, moi, j'ai trouvé que lui, sa réaction était priceless. Moi, je trouve que, justement, elle se rapproche de lui, puis plus elle se rapproche, moins elle le voit comme un père. Tu sais, tu vois qu'elle essaie de le charmer, puis lui, il reste froid, puis de merde. Fait que moi, j'étais comme, elle conne, elle voit pas qu'il se prend pour son père. Puis c'est quand il accepte que je suis comme, oh shit! Jeff, hello? OK. Oui, je suis là. Moi, j'ai l'impression que il y a des beaux moments. Tu sais, je pense que si ça avait été plus de hasard, il y aurait eu des trames sonores par rapport, tu sais, qui lui auraient voulu comme changer le ton ou mettre plus d'ambiance sinistre alors qu'il n'y a pas de sinistre dans ce film-là. Ben, à part, je te dirais que les bruits des victimes qui ont les cordes vocales coupées, je trouvais que ça rajoutait un petit côté creepy durant ces moments-là. J'aimais beaucoup. Mais je trouvais toute cette idée-là vraiment le fun. qui soient plantés comme des espèces de légumes qui s'amusent à les faire grossir puis à les préparer pour leur viande. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis je trouve que tout le film réussit à garder cette petite ambiance-là. Ça va jamais trop loin. Tu sais, on va jamais dans le trop stupide au point qu'on décroche ou dans le trop sérieux au point que ça devienne peut-être mal dosé avec l'humour du film. Mais je trouve que non, tout le long, j'ai trouvé que j'avais du fun du début jusqu'à la fin. Puis j'aimais beaucoup les situations. À chaque fois qu'il y avait des situations où tu parlais les vaches en carton, j'étais vraiment plié en deux. J'ai vraiment trouvé que c'était une idée niaiseuse, mais drôle. Ça fitait dans le contexte. Puis non, moi, j'ai vraiment eu du fun avec ce film-là. Puis je pensais pas avoir autant de fun. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Je me demande, après avoir vu le film, si la série Hannibal lui a pas rendu hommage dans sa première saison avec son épisode des gens qui étaient enterrés puis faisaient des champignons. Ah, il y a un épisode de même? Ben, c'est drôle, je viens d'avoir un flash sur Hannibal parce que je viens de finir la dernière saison disponible sur Netflix. Puis c'est vraiment tout, j'ai eu un flash sur Hannibal. Je sais pas si il y a des liens, mais toute l'idée de la bouffe puis du cannibalisme là-dedans, c'est qu'il est tellement. Tu sais, ils disent là. On a créé quelque chose, on a juste hâte d'être reconnu pour notre rapport à l'industrie agroalimentaire. Là. Mais c'est drôle, il y a une scène qui a une espèce de malaise que j'ai vraiment trouvé drôle lorsqu'ils font une espèce de pique-nique, puis t'as la fille avec le frère, puis la sœur, puis le policier. Ben, il va raconter une histoire de viande, puis là, il va parler qu'ils ont mangé du chien, puis que l'autre, il savait pas, tu sais. Puis la fille, elle a un gros malaise. Tout le monde, eux, les trois autres, ont une réaction bien normale, comme si c'était normal de manger du chien. Puis ils trouvaient ça, l'anecdote, vraiment tordante. Puis elle est comme, mais arc, vous avez mangé du chien, c'est pas correct, là. Ouais. Mais ça, tu sais, c'est un bon moment. Ce pique-nique-là, là, parce que ça sort tellement. C'est clair, c'est beau, c'est une belle clairière. C'est une belle scène, là. Fait que ça sort de toutes nos scènes de nuit qu'on a depuis le début du film, là. Puis autre scène que j'ai adoré, justement, avec le couple sadomasochiste, là, échange. Tu sais, eux, ils pratiquent l'échangisme, ils s'attendent à ce que le frère et la sœur embarquent avec eux. Puis c'est vraiment long avant qu'ils réalisent que c'est pas ça qui va se passer, là. Puis toi, t'as hâte qu'ils glitchent, là, mais jamais, là. Pour vrai, là, c'est à la toute dernière seconde qu'elle fait « Oh, fuck! » Fait que là, moi, j'étais crampée, j'étais comme « OK, jamais ils vont réaliser, là, que... C'est pas ça qui se passe, là. Eux, ils sont trop dans leur idée. Eux, ils sont trop excités, là. Tu sais, ils voient le vieux couple avec... J'ai dit tout le temps le vieux couple, j'ai de la misère à dire les frères et sœurs. Mais non, mais c'est ça. Ouais, mais dans cette situation-là, c'est un couple, là. Mais, tu sais, ils arrivent avec les cordes, là, puis avec la bonbonne, puis eux, sont juste encore plus excités. C'est comme... Wouh! Attachez-nous! La scène est juste vraiment drôle. La fille, au départ, est juste là avec son fou, elle a tout pété la chambre d'hôtel. T'sais, elle pète les pots de fleurs, les cordes. Ah ouais, elle est en train de tout briser. Ah, moi, j'ai adoré ce couple-là parce que tu sais qu'ils vont mourir. Là. Ils rentrent dans l'hôtel, tu fais « OK, ils vont crever. » Mais on a trouvé une manière de les faire crever de manière trop humoristique. Puis c'est pas gore non plus. Ça aurait pu être vraiment plus gore. On est dans une ferme. Mais non, tu sais, à part quand on leur coupe la gorge pour la refermer autrement... Pas gore, là. Puis là, tu te dis, ah, mais fallait le montrer. Faut comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais, à part la scène de la Chainsaw, quoique là, même là, elle est un peu timide. Je veux dire, c'est pas vraiment un film qui met sur son gore. Puis on le catch assez rapidement, même si les situations offrent la possibilité d'y aller assez intense. Tu sais, à la fin, quand tu vois la fille qui est attachée sur les petites roulettes pour couper la viande, là, tu vois toutes les machines qui s'actionnent, les scies. Tu sais, ça aurait pu vraiment finir là, en gros bain de sang assez facilement, mais c'était pas vraiment le but. Non, c'est ça, c'est pas nécessaire. Ouais. Non, puis j'allais le mentionner, la scène de Chainsaw, le combat à la fin, je trouve super parce que je voulais pas que le policier meure, j'y prenais pour lui, puis en même temps, tu sais que c'est Vincent en dessous de la tête là, de cochon, puis tu veux pas non plus qu'il arrive de quoi, puis tu vois bien qu'il est fou, mais en même temps, tu le trouves sympathique, fait que c'est comme, t'as des sentiments pour ces personnages-là, puis le combat est intéressant quand même, je trouve. Ben, ça me rappelait. Ben, j'allais juste dire, ça me rappelait beaucoup le combat, quoique je pense que celui-là, il était fait avant de Dennis Hopper contre Leatherface dans Texas Chainsaw Massacre 2. Mais je pense que celui-là, il était fait avant Massacre Tronçonneuse 2. Mais non, j'ai aimé le combat de la Chainsaw aussi. Ouais, puis moi, j'allais dire, j'ai l'impression qu'ils ont mis une tête de cochon, Vincent, justement, pour qu'on le dépersonnalise. Parce qu'on l'aime beaucoup, ouais. Ce personnage-là. Puis moi, je pense que si ça aurait été... man to man, là. Vraiment les deux faces, là, on n'aurait pas pris pour le policier. C'est parce qu'il arrive avec une face de cochon, okay. Puis de la manière qu'il rentrait, t'as le cadre, il rentre dans la pièce, fait qu'il rentre dans le cadre. Fait que c'est comme s'il était changé, il y a eu une modification de l'ombre du personnage. Il est sorti, il a mis une tête de cochon, il a procédé à un changement, oh oui, il revient. Fait que là, tu dis, ah, là, il est fou. Là, il est méchant, tu sais. Mais s'il est arrivé de lui-même, face, puis, tu sais, nu de visage, là, vraiment avec sa salopette, là, on n'aurait pas voulu qu'il meure. Mais il fallait qu'il meure, on n'aurait pas voulu. En même temps, ça a donné un côté iconique au film, parce que j'ai vu plusieurs d'autres films d'horreur plus récents qui se sont inspirés de ça, puis tu vois des tueurs avec une tête de cochon, puis une petite tronçonneuse ou une scie à main, là, puis tu vois que ça a été inspiré par Montalel. Puis dans le cas de sa sœur, ça me dérange pas qu'elle se fasse attaquer, au contraire, j'étais bien content. Là, je m'étais moins attaché, puis j'ai bien aimé que les victimes s'attaquent. Mais c'est quoi qui arrive finalement? Parce que il me semble, je suis pas trop certain. S'il y a des chics, il y a des vores. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Il y a des chics, là. Elle se fait massacrer. Ben ouais. Non, elle se fait enterrer dans le jardin. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié cette scène-là. Elle a ce qu'elle mérite parce qu'ils font subir ce qu'elle a lui a fait subir. Là. Mais la manière que les victimes reviennent, c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment l'impression de voir des zombies. Puis cette scène-là qui se fait attaquer, moi, ça me rappelait un plan de Dawn of the Dead. Là, puis j'étais comme, ah, c'est vraiment nice, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Puis elle, on s'attache moins, je vais juste dire ça, on s'attache moins puis on est plus content qu'elle meure parce que quand la petite blonde, on se dit, ah, elle préfère partie de la famille, puis tu sais, elle pourrait l'entraîner puis y aller lentement, mais lui faire accepter ce qui se passe. Ben, elle essaie de la tuer. T'sais, ils s'en vont se payer, puis elle essaie de la tuer. Fait que c'est là que quand elle essaie de la tuer, je pense que tu perds toute empathie. Parce que tu te dis, garde, t'es jalouse, t'es une mauvaise personne. T'sais, depuis le début, c'est une mauvaise personne, mais à cette scène-là de la baignade sert à nous faire dire, OK, il faut qu'elle meure, ou sinon, il n'y aura pas de statu quo. Si juste elle mourait, là, ça aurait pu être finir avec Vincent, la blonde, puis ils continuent leur marché droit. Mais là, non. Et elle fallait qu'elle meure. Puis à cette scène-là, c'est établi que si elle ne meurt pas, la plénitude n'arrivera pas sur la ferme. Fait qu'on est content qu'elle meure. C'est vraiment la scène du lac qui change tout. Parce que t'as la scène avant qui est avec Vincent. Puis tu vois là, que Vincent l'apprécie vraiment. Puis que l'autre est jalouse. Puis elle décide de vraiment vouloir la tuer dans le lac. C'est à partir de là, moi, que je m'en foutais complètement que la sœur a meurt. Ben, c'était ça le résultat. Ce que Vicky a dit. Parce que quand elle essaie de la tuer la première fois, Vincent, il est comme mauvaise fille. Tu peux pas faire ça. Puis il dit à Blonde, pardonne-la, elle est jalouse. Ben, elle va comprendre. Fait que si ça avait fini comme ça, t'aurais fait comme tu sais, elle avait une petite faiblesse, mais. C'est pas de sa faute, elle a le droit d'être jalouse et possessive, on vient de défaire un peu ses habitudes, on vient de défaire sa routine, fait que c'est normal qu'elle se frustre. Fait qu'un coup, tu sais, quand Vincent la réprimande, ben, on a eu de l'empathie pour elle, tu sais, on a de la sympathie, puis on est comme, ah, tu sais, elle a le droit d'être jalouse, la petite blonde arrive, puis elle défait toute sa vie, c'est normal qu'elle est frustrée. Mais c'est qu'elle continue, puis là, le fait qu'elle continue, on fait comme, non, t'as pas pris ta leçon. Mais est-ce qu'elle aurait vraiment accepté de prendre sa place? Parce que tout le long du film, veut pas, Vincent puis la sœur essayent d'y cacher pareil qu'ils utilisent des ingrédients humains. À un moment donné, t'as la scène dans l'abattoir, puis elle dit « Ah, Vincent, il dit qu'elle allait me montrer comment faire son smoked meat, puis tout ça. » Puis tu vois le gros bidon avec le pied qui flotte, puis l'autre, la sœur, elle essaie d'attirer son attention vers ailleurs pour que le pied disparaisse dans le sang. Mais encore là, elle sait jamais vraiment qu'ils utilisent des corps humains. Là. Non, elle aurait pas accepté, mais on aurait pu le builder pour ça, mais moi, je pense pas qu'elle aurait accepté. Mais Vincent, il comprend pas ça encore. Il l'a pas. Lui-même, il a pas accepté qu'elle l'accepterait pas. Parce que lui, quand il parle avec sa sœur, quand que l'autre est knock-out, là, à cause du champagne vert, là, il lui dit vraiment, un jour, on va être reconnaissant de notre travail. Un jour, on va enfin comprendre notre utilité sur la Terre. Fait que je pense que c'est le même qui aurait voulu lui aborder. Mais à un moment donné, il aurait bien compris, là, qu'il avait rien savoir. Mais il a même pas eu le temps d'y faire ce speech-là. Il a pas eu le temps d'y montrer sa vision des choses. Je pense que j'aurais trouvé ça encore plus cool que ça se termine de même. Tu sais, qui tue la sœur, qui fasse son speech, puis qui voit. Tu sais, ça finisse que les deux vont continuer à faire la viande pour de longues années, comme. Ouais. Puis c'est con, en temps normal, t'es pas supposé souhaiter ça. En temps normal, t'es supposé souhaiter que la victime la victime survive, puis que les méchants meurent. Mais là, j'aurais voulu que la victime s'allie aux méchants, puis que ça continue à tuer des victimes pour faire de la viande. Oui, mais c'est parce que tes victimes légumes, c'est pas des bonnes personnes. Ben encore là, je veux dire, le groupe dans le camion qui se font pogner, le groupe de musique que Jeff parle, on sait pas si ce sont des bonnes ou mauvaises ils personnes. Ils prennent de la drogue. Puis les deux amis. Les deux mais ça leur aide des bœufs légères. Ouais, c'est un petit peu facile. est facile, mais c'est ça la vision de Vincent, c'est ça que je veux dire. T'sais, la petite blonde là, qui garde comme sa fille presque sa femme, là, on le sait pas, là, peut-être plus mœurs légères que l'autre. Mais c'est lui, il a une vision raccourcie du monde, là. C'est ça qui est drôle. Ouais. Ah ouais, je comprends, là. Ouais. Non, ça fait du sens dans ce sens-là, je comprends, là. De ce point de vue-là. Mais non, on établit quand même que les filles, c'est des... Parce que la conversation qu'ils ont dans l'auto juste avant, si je me souviens, c'était une conversation sur les gars. Parce que ça, j'ai fait, ah, ok, on établit que c'est des dorsales légères, elles vont crever. J'avais fait le rapport parce que la scène se passe en parallèle où la blonde se fait poigner par le shérif. Puis elle comme, bon, ça me tente pas, non, ça me tente pas. Puis en parallèle, t'as les deux filles qui parlent des gars. Fait que, tu sais, je suis comme, ah, ok, il est là, ouais, le parallèle. On veut établir que en faisant un montage parallèle, que cette, la petite blonde est pure, puis ces deux filles-là sont faciles. Fait que c'est pour ça que la petite blonde pourrait survivre, mais pas ces filles-là. En tout cas, c'est le montage que moi, j'avais compris, là. Faudrait revoir vraiment le montage, mais je pense que ça se répondait, là. Non, ça fait du sens. Ouais, fait que dans l'ensemble, je pense qu'on a vraiment beaucoup aimé ça. Ouais, est-ce qu'on a fait le tour ou vous avez d'autres petits points à mentionner? Là, je pense qu'on a tout dévoilé, les sujets. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, j'espère qu'on a donné envie aux gens de l'écouter. Fait que, Jeff, toi, c'est quoi ta recommandation? Un achat. Oh! Oui. Ça vaut la peine. C'était un très bon film. Et toi, Vicky? Il est sur ma liste de cadeaux de Noël. Ça compte-tu? Oui, ça compte. Ça veut dire un achat, d'après moi. Ouais, c'est ça. Mais pas que je vais faire. Ben, pas moi un aussi, achat qui sort de ma poche. Moi aussi, je vais recommander un achat. Je me suis procuré la belle édition de Scream Factory qui est sortie il n'y a pas super longtemps. Fait que je pense que c'est le meilleur moyen pour vous de découvrir ce film-là. Si vous êtes des fanatiques un peu du genre puis qu'on vous a donné envie, ben, je pense que c'est un 20$ bien investi puis l'édition est vraiment belle. Puis comme j'ai dit au début, moi j'ai beaucoup aimé les images, la direction photo. Je pense qu'en Blu-ray, ça doit valoir oui. la peine. Oui, ben, il y a vraiment des scènes intéressantes. Comme je te disais, moi, dès l'intro avec le petit lampadaire lumineux rouge de l'hôtel qui est là sur le vieux qui se berce avec sa petite pipe, j'aimais déjà beaucoup ça. Puis j'aime beaucoup que le titre soit connecté un peu à ça, parce que l'hôtel s'appelle Motel Hello, mais c'est juste que le haut il est brûlé de temps en temps, fait que ça fait Motel L. Fait que je trouvais ça cool, ça, avec. Ça. Puis les scènes de jour aussi, le pique-nique, puis la baignade, tout ça, c'est beau visuellement, tout est beau, je trouve, dans le film. Mais c'est ça, je veux dire, par petite surprise, ça dérive, tu sais, que tu dis, ah, c'est Motel Hello, Hell. Je trouvais que c'est des belles surprises qui arrivent pas par hasard, comme je dis, c'est tout placé. Puis, tout comme Jeff, j'aime le parallèle entre les scènes de nuit et les scènes de jour. Où les scènes de jour, on dirait que on dit la vérité de jour, mais qu'on la dévoile pas. C'est ça qui est fou. Tu sais, la scène de jour où ils sont tous dans la place où ils ont enterré, s'il y a mis une croix, puis on pense qu'il y a un corps enterré. Tu vois, de belles clairières, là. Il y a de l'espace, là. Il y a de la place. Tu pourrais avoir 25 tracteurs qui font des traits en arrière, là, tu sais. Puis c'est super beau. Puis tu te dis, présentement, ils sont en train de faire un gros mensonge, gros comme le bras, mais dans cette vaste plénitude, tu sais, il y a... J'aime le contraste entre ce qui est dit et ce qui est montré. Oui, je suis d'accord. Cool, je pensais pas qu'on allait aimer ça autant les trois. Moi, dans ma tête, je vais être honnête, Vicky, je m'attendais à ce que tu le démolisses. Non, je n'ai pas l'aimé. Non, génial. Bon, bien maintenant, on va y aller tout de suite en musique. On va y aller avec You're Eating Out My Heart and Soul de Craig Nance. C'est la tune finale pour Montel. C'est une tune country, mais vous allez voir, elle est vraiment le fun. Et on revient tout de suite après avec la conclusion. And I still can't believe just what I see. Your face is like the morning sunshine as it sends its welcome out to me. I was so blinded by your beauty that I didn't think to realize how when you said you want to serve me, that it might just lead to my demise. You're eating out my heart and soul, babe. You're feasting on my better side. Whoever you'd be this way, girl. You never know what a pretty face can hide. I'm no fool to love and lying. I know the two are much the same. So even when you say you need me, I fear for you it's just a game. I thought that I would always trust you. The love from you I'd always feel, but now I know that I was used, girl. That all you wanted was of me. You're eating out my heart and soul, babe. You're feasting on my better side. Whoever thought you'd be this way, girl? You never know what a pretty face can hide. On my better side. Whoever thought you'd be this way, girl? You never know what a pretty face can hide. You never know what a pretty face can hide. You never know what a pretty face can hide. Ben, maudit que ça fait du bien de refaire un épisode d'Horror Gamer, hein, les amis? Ouais! Bonne nuit à notre gang, même si on se retrouve un peu souvent dans les autres podcasts. Horror Gamer, c'est pas pareil. On parle de cinéma d'horreur, puis c'est toujours le fun de parler de films d'horreur. De ton côté, Vicky, as-tu des choses à plugger pour le fun avec ton podcast qui est maintenant sur RZO? Félicitations! Puis comme nous autres, je sais pas si on l'avait déjà annoncé dans les autres épisodes d'Horror Gamer, mais Horror Gamer est de retour sur RZO, qui possède maintenant une nouvelle mouture, une nouvelle facette. Je crois qu'il est beaucoup plus abordable et beaucoup plus fun pour les publics qui ne sont pas forcément habitués à être les podcasts. Je pense que c'est une bonne manière de faire la découverte parce qu'il y en a des très bons au Québec. Puis vraiment, moi, j'aime beaucoup le nouveau site qu'ils ont fait. Oui, puis ça agit comme un lecteur de podcast. En fait, tu choisis, tu l'écoutes, tu l'écoutes direct sur le site, puis ça fonctionne très bien. Tu fais ta playlist. En tout cas, il va y avoir plus de features plus tard, là, puis tu vas pouvoir te créer un compte. Ouais, t'es même pas obligé de les télécharger. Vous pouvez prendre la peine d'écouter un peu, voir si vous aimez ça, puis ensuite, ben, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne du podcast en particulier que vous avez aimé. Là. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puis je pense que ça va probablement mieux fonctionner que l'autre RZO. Là. C'est rzoweb. Exactement. Mais sinon, Vicky! Fait que tu posais la question à Vicky. Fait que... Moi, j'ai regardé mon écran, je dis, bon, ben, je vais par arrêter. Je vais enchaîner à partir. Ouais. Mais c'est ça, Vicky. T'as-tu un nouvel épisode qui s'en vient pour mon écran d'ordinateur plein de gras? J'ai tout le temps de la misère avec le titre. J'ai mis du gras partout sur mon c'est écran. Ça. J'ai mis du gras partout. Je te jure que cette semaine, j'ai fait cuire une livre de bacon avec mon écran d'ordinateur à côté. Donc, oui, il y a vraiment eu beaucoup de gras sur mon tu sais, j'étais comme, ah, oh, je prends une photo. Puis là, je suis comme, mais comment je prends une photo de mon écran gras? Ça marchera pas. Là, ça, mais c'est pas grave, c'est très drôle. Alors, ben, en fait, j'ai un épisode présentement sur la planète Mars qui est sur J'ai mis du gras partout sur mon écran. C'est écrangras.podbean.com, écrangras.podbean.com. C'est, je pense, c'est 5-6 films là, qui se passent sur la planète Mars que j'en vais écouter. Puis là, le prochain, j'hésite entre deux genres. Fait que je ne sais pas encore. soit c'est des films de Woody Allen, soit c'est des films de Will Smith. Je ne sais pas encore. C'est ouais. vraiment à l'opposé, hein? Je sais, c'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce qui me tente plus d'écouter ces temps-ci. Cool. Et toi, Jeff, qu'est-ce qui se passe du côté du bras de fer avec ton collègue Steven? Je vous aime tellement, vous êtes cool, vous êtes fun. Là, puis, ouais. Ouais, hein? Ouais. Faudrait l'inviter des fois. OK, bon, on vient de passer une semaine de fou imposée par moi dans un sens. Ben, pas juste dans un sens. Une semaine ma chien d'Oz, là, je pense qu'on peut mettre ça derrière nous. Tu vas être très content de mettre ça derrière nous. Non, on a écouté dernièrement notre épisode 53. C'était le Wizard of Oz puis le Wiz. Puis là, ben, bientôt, il va y avoir un Time Out, puis peut-être un épisode Noël ou quelque chose comme ça, puis on verra. Puis peut-être aussi un fin d'année, là, un genre de top à la toute fin de l'année. Fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est ça un peu les plans. C'est pas encore rien de coulé en ciment. Encore plein de projets. On est tout le temps débordés. Hein? C'est ça qui arrive. Ouais. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous retrouver avec notre spécial Thanksgiving. Giving. J'aime ça mélanger les deux. Fait qu'on se retrouve prochainement. On n'a pas encore décidé, je crois, le prochain épisode que ça allait être. Oui, c'est vrai. Je retire ce que je viens de dire. Je retire. En fait, nous avons un épisode spécial de Noël, chers amis. Et ça va être vraiment le fun. On va parler de Krampus, qui est au cinéma en ce moment, par le réalisateur de Trick or Treat. Et on va parler de Silent Night, Deadly Night, l'original, le classique de 1984. Ça risque de faire un épisode vraiment le fun. Puis cette fois-ci, Sébastien va être présent. Fait qu'on va être quand même être la gang habituelle d'Horror Gamer. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Sinon, d'ici là, amusez-vous bien, écoutez plein de films, fêtez Noël en grand et, le plus important, gardez ça. À la prochaine.